salam. Je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. C'est presque devenu une habitude dans cette émission. Nous allons vous parler de la relation entre la musique et le cinéma. Et puisque les films qu'on va aborder ce soir sont des blockbusters plutôt guerriers, on a décidé de vous présenter les choses sous la forme d'un duel, d'une battle entre deux des plus grands compositeurs de musique de films de notre ère, à savoir John Williams et Hans Zimmer. Ils ont travaillé chacun respectivement pour Steven Spielberg, George Lucas pour Williams, Ridley Scott, Christopher Nolan pour Zimmer et même beaucoup, beaucoup d'autres. Les deux ont donc chacun créé des hymnes mondialement connus, des musiques qui ont d'ailleurs participé au succès de tous les grands films dont on va vous parler. Moi, c'est Arthur, tout de suite sur Radio Panique. C'est probablement le plus épique des Memento, et c'est même Hans Zimmer qui va vous en parler. In music, you're basically having a conversation. It's a question. It's an answer. Ooh, t'as vu hein, ce que je t'ai dit? It's a bit of a dodgy question here. I am convinced that I have no idea how to do your movie. It's always a blank piece of paper. Et donc, c'est parti, mon cher Arthur, on est en place pour quoi? Pour un duel. Oui, et pour un duel, il faut être deux. Il y a donc avec moi, désolé, j'avais pas compris que les micros étaient ouverts. C'était du grand professionnalisme. Donc, pour un duel, il faut être deux. Et donc, avec moi en studio, vous l'avez déjà entendu, il y a le grand, le magnifique à la technique au micro, mon compagnon radiophonique depuis maintenant trois saisons. J'ai nommé déjà Nicolas. Eh ben, rebonsoir du coup, Arthur. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve pour ce Memento une fois par mois. Voilà. Alors, est-ce que, Nicolas, en évitant d'exploser ton PC sur la table, est-ce que tu pourrais nous présenter le programme de cette émission et aussi de la prochaine, puisque en fait on a découvert qu'il y avait tellement de choses à dire sur ces deux compositeurs qu'on s'est dit qu'on découperait ça en deux émissions. Exactement, on s'en est rendu compte, ça présage des belles choses, vu qu'on a pas mal de choses à vous dire. Eh bien, pour cette première, on va donc vous présenter un petit peu la vie et l'œuvre et de John Williams et de Hans Zimmer. On va un petit peu apprendre leur style, leur réalisateur préféré, faire une petite battle de chiffres et d'anecdotes. C'est toujours très drôle et très sympathique. Dans la prochaine émission, par contre, on deviendra un petit peu plus critique sur les deux personnages, puisqu'ils ont une petite part d'ombre chacun, tantôt du plagiat, tantôt du ghostwriting. Et puis on fera aussi un petit tour du côté de leur influence sur la technologie. Puis évidemment, le but, à travers tous ces points de comparaison, c'est un petit peu de faire le tour des différentes techniques musicales dédiées au film, parce que c'est tout simplement passionnant. Et voilà, maintenant on va peut-être y aller. Tout doucement, on va se réveiller, ça va aller. Donc, oui, eh bien, fatalement, on va d'abord commencer par vous présenter ces deux compositeurs. Et honneur aux anciens, on va commencer avec John Williams, qui est donc américain, né en 32 à New York. Il vient donc d'avoir 86 ans, rien que ça. Il a par contre fait ses études en Californie, pas loin d'Hollywood, ce qui manifestement n'a pas été une mauvaise idée. Donc il est fils de percussionniste de jazz, il est à la fois compositeur, chef d'orchestre, pianiste. Sa carrière a débuté quand il était musicien dans la Navy, la marine américaine, et après il s'est lancé comme pianiste de jazz avant de se rapprocher de plus en plus du cinéma, d'abord par la télévision, grâce à un certain Henry Mancini qui l'a amené dans ce milieu, ce qui lui a permis plus tard de se lancer dans le cinéma dès la fin des années 50, rien que ça. Alors vu son grand âge et surtout ses 60 ans de carrière, il a déjà eu le temps de faire un sacré paquet de grands films. Évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais on peut déjà parler dans le désordre de Rain Man, E.T., Jurassic Park, Le Soldat Ryan, Harry Potter et bien évidemment d'autres dont on parlera plus tard. Donc c'est quand même déjà assez classe, hein. Et voilà, fatalement, une de ses plus grandes réalisations, celle pour laquelle il est connu dans le monde entier, en tout cas, sa musique, eh bien, on la reconnaît dans le monde entier et tout le monde peut la chanter, c'est bien évidemment la saga Star Wars et c'est bientôt 9 épisodes, sans parler des sequels, préquels et autres ajouts de Disney. Et donc, tout le monde connaît la musique d'intro. Non, ça c'est, pardon, je m'emballe, sur du Indiana Jones. Tout le monde connaît la musique de Star Wars, sur le générique du début, mais dans le genre épique, émotionnel, qui donne envie de devenir le pote de Yoda et qui personnellement me rappelle plein de souvenirs d'enfance. Il y a le thème de la force, autrement appelé un nouvel espoir, ou le thème de Luke, le thème de Jedi. C'est tout simplement, bien voilà, le thème de la force qu'on peut écouter tout de suite. Je crois que vous devez peut-être, j'espère en tout cas que vous êtes d'accord avec moi, que en termes de musique qui signifie l'espoir, donc dans ce premier épisode de Star Wars qui est sorti dans les années fin des années 70, mais je trouve que ça marche extrêmement bien. Voilà, on a ça donne des frissons. Ça donne des frissons. Ouais, on est bien d'accord. Ouais. Donc on a vu le début de la vie de notre cher John Williams, on va passer maintenant à Hans Zimmer. Exactement, petite balade en Allemagne, puisque c'est là que le compositeur est né en 1957. Bah, il est désormais naturalisé américain. Alors il a tenté de suivre le cursus que John Williams a suivi, un cursus assez académique d'un musicien plutôt normal, en apprenant le piano dans la filière classique. Apparemment, ça n'a pas donné grand-chose. Il a aussi essayé pour le solfège, et ça n'a duré que quelques semaines apparemment. Donc c'est plutôt un autodidacte qui va nous accompagner durant deux émissions. Alors son père était ingénieur et ça explique aussi peut-être sa passion pour les nouvelles technologies. Il va se tourner d'ailleurs très très vite vers les synthétiseurs. À son palmarès, presque 4 décennies de composition de films depuis les années 80, Le Dernier Samouraï, Gladiator, Pirates des Caraïbes, Inception, Interstellar, etc., etc., etc. Il y en a énormément, plus de 150, je pense. Mais il y a peut-être quelque chose pour lequel on n'associe pas trop Hans Zimmer, que j'avais envie de vous faire écouter, puisque là, c'est le registre du dessin animé. On a plutôt l'habitude De l'entendre, dans un registre épique, grosse bataille ou des côtés très science-fiction. Mais il a fait pas mal de dessins animés, dont celui-là. Petite ambiance de jungle pour vous mettre... Les connaisseurs ont déjà reconnu ce que c'était. Je pense. Ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, ingwenyama, le roi lion. Mais ça, moi, en faisant les recherches, je ne savais pas du tout que c'était lui qui était à l'origine de cette bande originale. Et c'est d'ailleurs, figure-toi, Arthur, son seul Oscar. Il l'a gagné en 1995, depuis plus rien, en tout cas du côté des Oscars. Peut-être un petit peu bizarre, mais on aura l'occasion d'en reparler, si pas dans cette émission, dans la suivante. Mais voyez, je pense que le décor est grosso modo planté pour les deux personnages, John Williams et Hans Zimmer. Il est temps de commencer. La battle. You underestimate the power of the dark side. If you will not fight, then you will meet your destiny. Voilà, c'était un très bel extrait. Fin brusque pour un début tout en force. Premier point de comparaison pour cette battle entre Hans Zimmer et John Williams, c'est leur tout premier grand succès. En ce qui me concerne, vu que je suis dans la team Williams, on est en 1975. Il a déjà collaboré avec Steven Spielberg pour son premier film Sugarland Express. Le réalisateur a adoré sa façon de travailler et veut donc réitérer l'expérience pour ce qu'on va appeler les dents de la mer, ou Jaws en anglais, ce qui veut dire mâchoire. Et quand Williams débarque, Spielberg croit d'abord que c'est une farce, ces deux notes qui vont alterner en allant crescendo. Et pourtant, John Williams vient tout juste de devenir culte. Il en est déjà à son deuxième Academy Awards pour cette musique. Et surtout, c'est son tout premier Oscar pour la meilleure musique. Je vous propose qu'on écoute ça. Et ça arrive dans pas longtemps. Les dents de la mer. Je pense qu'on peut entendre ce premier grand succès pour John Williams, plein d'angoisse, et ces deux notes, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, qui montent, jusqu'à arriver à ce paroxysme d'horreur et de peur. Donc après ça, notre Johnny devient tout simplement le compositeur attitré de Spielberg. Il va le suivre pour à peu près tous ses films de 1985 à 2015, avec quelques infidélités, des infidélités avec Hans Zimmer de la part de Spielberg. Exactement, on aura l'occasion d'y revenir. Alors Hans Zimmer, forcément un petit peu plus jeune que John Williams, eh bien, il va commencer sur le game hollywoodien un petit peu plus tard que lui. Forcément, je vous l'ai dit, il est né en Allemagne, et ce qu'il a vraiment fait atterrir et rester surtout aux États-Unis, c'est son score, comme on dit, sa composition pour le film Rain Man. Ray, 4343 multiplié par 1234. 5, 3, 5, 9, 2, 6, 2. C'est un génie. Il n'y a pas d'erreur. C'est un génie. Ray, vous pouvez me dire quelle est la racine carrée de 2130? 4, 6,1, 5, 1, 9, 2, 3, 0, 4. Petit extrait du film, non pas de la bande originale, bien sûr, vous l'aurez bien évidemment remarqué. Alors, la bande originale de Rain Man, très honnêtement, je la mets pas trop. C'était un truc assez... kitsch. Assez kitsch, très très kitsch. Très très kitsch. Il l'a justifié en disant que Rain Man était dans son monde. Parce qu'au final, il expliquait que Rain Man, voilà, c'est un road movie, ça aurait pu fonctionner avec des styles guitares, des trucs de route, il se balade jusqu'à Las Vegas, etc. Mais il s'est dit, voilà, Rain Man, il est dans sa bulle, bah, il a fait une petite bulle musicale, ce qui fait que dans le film, ça marche très bien. Moi, j'étais pas hyper fan. D'ailleurs, cette BO est assez datée parce qu'en fait, elle est. C'est une, je sais pas si c'est une des premières, mais en tout cas, c'est parmi les premières BO faites tout en numérique avec plein de synthés dans tous les sens. On vous parlera plus de la technologie et de la relation à la technologie de Hans Zimmer au prochain épisode, mais. Voilà, c'est quand même intéressant de savoir que ce son bizarre vient aussi du fait qu'ils étaient en train d'expérimenter, tout simplement. Et ils ont expérimenté pour faire de la musique un peu péruvienne, ce qui est parfois un peu surprenant, mais qui en même temps marche avec l'ambiance du film, mais qui n'est pas forcément la plus chouette à écouter comme ça toute seule. Exactement. Et puis, bon, forcément, ça l'a fait rentrer définitivement dans les agendas de tout le monde à Hollywood. Et il était en train de scorer un film en Afrique, je pense, pour son travail. Et là, c'est Disney qui arrive vers lui. Je vous en ai déjà parlé avec ce qu'on a écouté tout à l'heure, le thème principal du Roi Lion. Là, ici, je vais proposer un autre extrait, toujours du Roi Lion, mais qui reflète un petit peu plus ce que Hans Zimmer fera par la suite. On écoute et on en parle juste après. Of Pride Rock, le titre anglais de cette bande originale signée Hans Zimmer pour, bien sûr, le cultissime Le Roi Lion de Walt Disney. On a écouté un extrait des Dents de la Mer, on a écouté deux extraits maintenant du Roi Lion, histoire d'en connaître un petit peu plus sur la patte de nos compositeurs respectifs. La transition parfaite, Arthur, mais pour parler de leur style, justement, bien différent de l'un à l'autre. Absolument. Notre John Williams national, eh bien son style peut être résumé comme suit. C'est une symphonie en 6 notes cuivrées. Alors symphonie parce que avec d'autres comme John Barry et Ennio Morricone, eh bien il a vraiment popularisé l'utilisation des grands orchestres symphoniques pour des musiques de films. Ça permet de créer une musique très puissante. Fatalement, il y a des dizaines d'instruments qui jouent ensemble. C'est fort, ça joue fort. Ça permet aussi de jouer avec les tensions, les résolutions, avec une très grande dynamique, c'est-à-dire qu'une très grande différence de volume entre les moments calmes et les moments forts, ce qui permet que on entend quelque chose de calme et du coup c'est très doux, on tend l'oreille pour aller chercher cette musique, et puis d'un coup quand ça explose vraiment très fort et on sent cette différence, et c'est ça le concept de dynamique, et c'est ça eh bien c'est vraiment rendu possible par l'utilisation d'un orchestre qui a une puissance assez assez incroyable. Et ça permet aussi de jouer avec une palette d'émotions très large et aussi de passer très vite d'une émotion à une autre, tout simplement parce que avec la variété d'instruments, il y a une variété de sons et donc une variété d'intentions. Et ça, c'est très très fort. Et alors justement, un très bon exemple pour montrer cette possibilité d'évolution et d'expression d'émotion, c'est le thème de Hook, donc Peter Pan, la version avec Robin Williams. La puissance d'un orchestre. Ça, c'était donc une seule et unique musique, malgré le fait que ça change à peu près toutes les 10 secondes, avec à chaque fois encore plus de force, encore plus de percussion, encore plus de cuivre. C'est assez fou. Hein. C'est complètement fou, c'est assez fatigant à écouter, mais vu le souvenir qu'on a, en tout cas certains d'entre nous, de ce film, Hook, eh bien, je trouve que ça marche très très bien. On avait un petit extrait à écouter de ce film, il me semble. Make way for the hook! Histoire de se remettre un peu dans l'ambiance. Voilà, petite ambiance pirate. Hein, et encore une fois, on entend ces cuivres. Et alors justement, les cuivres, les six notes cuivrées dans cette définition d'une symphonie aux notes cuivrées, eh bien, John Williams, eh bien, c'est le roi pour créer des mélodies d'apparence simple, hyper catchy grâce aux cuivres, les trompettes, trombones et autres, voilà. Et je n'avais pas d'autres. Et donc, ces mélodies très simples, très prenantes, eh bien, elles racontent à chaque fois une histoire à elles seules, toujours avec une grande énergie issue de ses débuts dans le jazz. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui a inventé le concept, mais il l'utilise avec brio. On appelle ça des leitmotivs, démonstration en musique avec une suite de ses plus grands succès qui sont tous des leitmotivs. J'adore cette chanson. La force du leitmotiv. Alors pour ce type de composition, eh bien c'est toujours un peu la même structure pour notre cher John Williams. Il commence toujours par mettre la mélodie de base dans l'oreille. On peut appeler ça l'appel, je crois, de statement. Mm-hmm. Et avant de faire évoluer, hein, de faire varier un petit peu, et surtout de la faire monter en intensité pour arriver à un pic émotionnel et puis finalement pour redescendre à la résolution où les choses se remettent en place et ça pèse. Et c'est ainsi qu'on joue avec la dynamique. Et oui, on continue à gérer tous ces petits concepts. Alors, petit fun fact, petite anecdote sympathique. Dans Star Wars, il fait même évoluer certains thèmes de film en fonction de l'évolution de l'histoire. Oui, monsieur. Ooh. Oui, monsieur. Par exemple, la musique dédiée à l'amour, qui peut être l'amour entre Han Solo et la princesse Leia, ou plus tard, mais en même temps plus tôt dans l'histoire, mais plus tard dans les sorties de films, entre Anakin, futur Dark Vador, hein, gros spoiler, et la reine Amidala. Eh bien, ces deux thèmes changent en fonction du statut de cette histoire d'amour. C'est quand même assez, assez fort, je trouve. Et d'ailleurs, c'est assez... comment dire ? En fait... Je me trompe, je me perds, pardon. Mais non, mais recentre-toi. Rewind. Je suis là. Donc, par exemple, quand leur histoire marche très bien, eh bien, ça finit sur une note géniale, ça finit sur une note tout à fait heureuse. Quand c'est encore en développement, ça finit sur une note un peu entre les deux, parce qu'on est toujours dans, par exemple, pour Anakin et Padmé, a priori, leur relation est tout à fait interdite, et donc ça finit toujours sur une note un peu discordante, un peu inquiétante. Et voilà, dans pas mal de ces films, dans les films qui ont été confiés à John Williams, c'est assez passionnant de voir que souvent, chaque personnage important a son thème, sa musique issue d'un univers sonore lié à son identité et à sa culture. Ainsi, en 77, avec Rencontre du troisième type de Spielberg, le concept est poussé assez loin, et même jusque dans l'histoire en elle-même, puisque la musique est en fait le seul moyen de communication avec les extraterrestres qui viennent de débarquer. Les aliens ont leur suite de notes bien spécifique qui revient à chaque fois qu'ils essaient d'entrer en contact. Et puis, il y a cette scène de conversation musicale entre un petit synthé humain et un truc ultra fat extraterrestre qu'on écoute tout de suite. Give her 6 quavers, then pause. She sent us 4 quavers, a group of 5 quavers, a group of 4 semi-quavers. La symphonie de leitmotiv, c'est donc le style de notre cher John Williams. Alors, je vous parlais tout de suite ici de synthétiseurs. Eh bien, en termes de synthétiseurs, je crois que notre Hans Zimmer est aussi assez taré. Exactement, parce que en plus de les utiliser, il est lui-même, eh bien, l'utiliser dans ses films, dans ses compositions, lui-même est pianiste, il utilise des synthétiseurs, il est d'ailleurs, il a été membre d'un groupe, on en reparlera dans un petit fun fact adressé à Hans William. Lui, il est beaucoup moins classique et dans le style et dans l'apprentissage, on l'a déjà dit. Lui, il est autodidacte et il grandit en même temps que les technologies, à savoir les fameux ordinateurs, les fameux synthétiseurs qui grandissent presque en même temps que lui. Il va donc utiliser tout ça à son profit. On va dire que John Williams, c'est quelqu'un qui a réussi à faire aimer aux nouvelles générations, à notre génération, la musique orchestrale, les grands orchestres, à tout le monde popularisé. La musique était un petit peu bloquée à une élite, à une élite de la société. Hans Zimmer, lui, il va plutôt essayer de rendre les orchestres cool, dans l'air du temps, comme on dit. Alors, on l'avait dit dans la bande originale de Rain Man, ça sonne un petit peu un peu cheesy comme ça, avec le recul, puisque c'était au balbutiement de la technologie, mais au fur et à mesure, forcément, il va mettre cette modernité au profit. Un style qui consiste constamment à donc repousser les limites, tant musicales que technologiques. Il aime faire coexister différents univers musicaux, notamment interstellar, on est dans quelque chose de futuriste, on se balade dans l'espace, on se balade dans le temps, on imagine forcément raccourci facile l'utilisation de synthétiseurs, de modernité. Contre-pied, il utilisera des orgues, une espèce d'identité, pas pour les personnages à proprement parler comme John Williams, mais une identité pour l'ambiance du film qui est assez particulière. Sherlock Holmes, par exemple, on est sur une ambiance de musique de l'Est, avec accordéon, avec un peu roumaine, comme ça. Exactement, il a d'ailleurs utilisé et fait participer des orchestres locaux, même de petits villages qu'il est parti enregistrer. C'est hyper cool, c'est quand même une façon... On a pu regarder plein de choses, il y a des milliards de vidéos sur lui sur YouTube, et tout le monde dit toujours, c'est un mec qui pousse les limites de ce qu'on peut faire, il est toujours en recherche de nouvelles choses. Je trouve que, par exemple, aller chercher des orchestres locaux pour jouer des choses, d'un point de vue, il est allemand, mais il est quand même très américanisé, je trouve que c'est quand même une jolie ouverture d'esprit. Il est constamment dans la recherche, il voyage beaucoup, il est parti, on l'a dit, en Afrique pour enregistrer des groupes locaux pareils en Roumanie, il se balade. En plus, il alimente sa base de données musicales, forcément, il enregistre chaque nouvel instrument qu'il croise sur sa route pour faire gonfler son armada d'instruments informatisés. De sonorités. Exactement, qu'il utilisera après maintes et maintes fois. Bref, il utilise vraiment tout ce qui l'entoure et ça désarçonne aussi pas mal les réalisateurs qui travaillent avec lui, parce qu'il n'aime pas, peut-être comme John Williams le ferait, utiliser quelque chose qui fonctionne, une théorie des notes, tu le disais, qu'il va réutiliser, créer des motifs, etc. Il a trouvé la recette, John Williams, il l'utilise, ça marche à tous les coups, ça marchera à tous les coups. Hans Zimmer est plus dans l'optique de, à chaque fois, remélanger les cartes après un projet. Et repartir de zéro et expérimenter. Et repartir de zéro, exactement. Les gens vont dire, tiens, Interstellar, c'était trop bien, je veux que tu me refasses une composition avec des orgues, etc. Il dira forcément non et il fera autre chose de totalement différent, de totalement barré sur papier, mais qui finalement fonctionnera tout aussi bien. Voilà, un petit peu le style, essayer de repousser les limites, repousser ses limites. Justement, l'utilisation de la technologie, j'ai un petit son pour vous, issu de la bande originale d'Inception. On se rappelle ces sons de cuivre, comme ça, très graves, qui nous font balader dans le film, qui lui aussi, il se balade dans le temps. Eh bien, en fait, on peut appeler ça un sample. Ça s'arrête un petit peu brutalement, mais parce qu'on réécoute la partie maintenant d'Edith Piaf, vous l'aurez reconnu. Rien de rien. Rien, ne regrette rien. Qui a tout simplement été ralenti, on l'entend. Qui donne un son du coup hyper grave, hyper distordu au cuivre de la composition originelle et qui va servir totalement, eh bien, un petit peu le thème aussi, l'espèce de leitmotiv de la composition, on l'entend. Ça devient de plus en plus terrible. On passe de l'un à l'autre, de Édith Piaf ralenti à la bande originale d'Inception, sans savoir ce qui correspond à quoi. Mais là, encore une preuve qu'il utilise la technologie. En même temps, on l'entend, des percussions très puissantes. On l'a entendu tout à l'heure avec l'extrait de la BO du Roi Lion. C'est un petit peu récurrent dans son travail, des percussions presque hors orchestre. On a l'impression qu'il y a un orchestre, qu'il y a une symphonie derrière et que les percussions sont de toute façon... Comme sur un CD, comme sur à l'étage. Exactement, à l'étage du mix totalement studio, totalement épuré. Beaucoup de puissance, beaucoup de proximité, beaucoup de percussion, forcément. C'est quelque part, c'est un peu... Dans cette optique-là, il a un peu prolongé le travail de John Williams, je trouve, dans le fait des cuivres et des percussions très fortes, très, très puissantes, et que c'est ça qui donne toute l'énergie à la musique et les grands coups et les grands coups de ce monde, c'est les hits, ce qu'on appelle ça dans le sound design du cinéma, avec ces ta-ta-tan, pam-pam-pam, et ça c'est principalement des percussions, des cuivres et parfois un peu de violon aussi. Et lui en tout cas, les notes, tu parlais de 6 notes, là lui les notes aussi c'est hits qu'il utilise à la fin, souvent très grave, il se balade tout souvent d'un octave à un autre octave beaucoup plus bas pour asseoir le côté épique, le côté colossal de ce qui vient se passer à l'écran, mais toujours forcément avec des cuivres ultra puissants. D'ailleurs, il en enregistre, mais pas un ou deux, c'est 18-20 cuivres en même temps dans le studio qui va enregistrer pour renforcer ce côté de puissance, renforcer ce côté assez, assez épique de la chose. Une autre preuve que ce Hans Zimmer utilise la technologie, ou en tout cas des astuces sonores pour asseoir ces bandes originales. Là, on va aller se balader dans quelque chose de très récent. C'est sorti l'année passée, Dunkerque de Christopher Nolan, un réalisateur avec qui il a d'ailleurs beaucoup travaillé. Et un film qui est absolument magnifique dans le traitement du son, extrêmement... Ah, il y a de l'ambiance à Radio Panique. Donc un film extrêmement immersif et extrêmement impressionnant. On a vraiment l'impression d'être sur la plage avec le son, le bruit des avions. C'est très, très, très fort. C'est très, très fort. Et dans la bande originale de Dunkerque, vu que c'est très récent, eh bien, ça nous permet de regarder un petit coup dans le rétroviseur et de voir qu'il utilise des techniques qu'il a déjà utilisées, notamment un fameux cliquetis. Justement, ce rapport au temps qui est récurrent aussi chez lui par rapport au film qu'il traite, mais par rapport à ces bandes originales, pour renforcer le côté tension, le cliquetis qui nous énerve quand on est en train de dormir et qu'on entend cette horloge qui bat, ben c'est un peu, renforcer le côté agaçant, le côté « il va se passer un truc qui nous gêne, ça nous emmerde ». Il y a ça dans Interstellar, il y a ça dans Sherlock Holmes, il y a ça dans Dunkerque, justement, et dans Dunkerque, il y a autre chose pour renforcer cette tension qui croît au fur et à mesure des secondes, au fur et à mesure des minutes, ça s'appelle le Shepard Tone. On va essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. 3 couches de notes. Une note aiguë, une note au milieu sur la même, la même tonalité et plus grave exactement à chaque fois, un octave. Donc en gros, c'est 3 notes. C'est... Un la grave, un la milieu, voilà. Un la aigu, tout simplement, l'un au-dessus de l'autre, joué en même temps. Le grave va de plus en plus fort, on ne l'entend que très peu au début, il va augmenter en volume au fur et à mesure. Le la du milieu va rester constant et le la aigu va lui diminuer au fur et à mesure du temps, ce qui donne un effet de vis sans fin. Un petit peu les enseignes de barbier à l'ancienne qui tournent sur elles-mêmes, une espèce de rouleau de barbershop. Exactement, c'est exactement cela que je voulais dire. Et en gros, très techniquement, très froidement, un Shepard Tone, eh bien, ça donne ça. Non, on n'est pas en train de parler de Star Wars et d'un sabre en train de se charger. C'est vraiment... On a l'impression que ça ne s'arrête jamais, que ça va monter. Ce qui est très fort, c'est qu'en vrai, ça ne monte pas. Et en vrai, ça ne monte pas. C'est toujours les mêmes notes. Il n'y a pas de changement de fréquence ou quoi que ce soit. On va peut-être l'arrêter parce que c'est quand même. C'est quand même un petit peu stressant. C'est un petit peu énervant. C'est une technique qui a déjà été utilisée, dans pas mal de choses, notamment, petit fun fact, encore une fois, décidément, dans les jeux Mario, où Mario escalade un escalier infini. Eh ben, on a cette technique du Shepard Tone qui rend d'autant plus infini cet escalier. On en revient à la bande originale de Dunkerque, où il utilise des cliquetifs, peut-être faites un petit peu attention à ce que vous écoutez, et aussi cette espèce de nappe Shepard Tone qui va essayer de faire grimper l'intensité au fur et à mesure des secondes et des minutes. Boum! On l'a sans la pression là. Ouh, c'est fini, ça y est, c'est bon, voilà. C'était donc la montée vers la bataille, la montée vers la mort, la montée vers toutes ces choses qui étaient quand même assez trash. Hein. Et quand on sait un peu le pitch de ce film, hein, Dunkerque, cet homme sur la ligne de front, limite sans les images, c'est encore plus parlant. Moi, j'étais vraiment tendu en écoutant cette tension qui monte. On entend presque les avions tournoyer au-dessus de nous, prêts à nous bombarder. Comme des mouches trop près des, ou un moustique trop près des oreilles. Exactement, qu'on a envie de chasser, mais qui part pas et qui revient sans cesse. Ah, ça, en tout cas, moi, ça m'a foutu les frissons. Et je pense, mon cher Arthur, que justement, ce serait le bon moment d'essayer de voir un petit peu comment chacun de nos réalisateurs, John Williams et Hans Zimmer, justement, retranscrit en musique, en son, en bande originale, différentes émotions, différentes atmosphères. Eh bien, on parlait de bataille. Eh bien, justement, la bataille, la mort, le duel. Pour John Williams, dans le Star Wars numéro 1, en fait, la menace fantôme, qui est donc sortie en quatrième position, je vous le rappelle, le fameux duel entre Qui-Gon Jinn, Darth Maul et notre cher Obi-Wan Kenobi, qui va regarder ça d'un peu loin. Eh bien, ça s'appelle Duel of the Fates et c'est une utilisation de cœur tout à fait magistrale. Magneto. Of the Fates. Voilà, vous la sentez, la peur de mourir, une espèce d'excitation, mais quand même une grande violence. Et généralement, quand le combat se finit tout doucement, telle cette musique qui s'évapore d'une main de maître de Nicolas Demoulin, eh bien, après ça, généralement, le gentil a gagné. Et donc, généralement, les choses rentrent dans l'ordre. Et ça s'appelle les Happy Ending. Exactement, Happy Ending, on passe des sabres laser aux lignes de front de Dunkerque avec un truc totalement différent, presque pop, puisqu'en plus il est habillé d'une voix d'un chanteur pop que beaucoup de gens connaissent, vous aurez l'occasion de la reconnaître. Happy Endings, pour aussi illustrer la variété de ce que Hans Zimmer fait, en tout cas les projets qu'il accepte de faire. Il n'y a pas que des choses hyper épiques, hyper folles, il y a aussi des dessins animés, on l'a vu avec Le Roi Lion, et puis aussi des trucs beaucoup plus récents, comme par exemple Madagascar, qui se termine en happy ending, bien sûr, avec cette musique. Avec notre très cher Will.i.am. Exactement. I've been around the world in the pouring rain. Feeling out of place, I'm feeling strange. Take me to a place where they know my name. Where everyone knows my name. Check it out, I'm about to do my thing. King of the floor, king of a swing. Play a little B, I'll be a dancing machine. Play a little jam, I'll come alive, alive, alive. They ain't got jungle fever, show 'em some love, show 'em love. This is my home. This is my home. This is my home. This is heaven. See, I've been traveling forever, but now that I'm home, it's like I'm in heaven. Ah, mais il en fait des choses différentes. Bon, là, du coup, il a quand même. Voilà, la composition originale est en arrière-plan et vous avez bien reconnu la paupérisation, on va appeler ça comme ça, de sa composition avec ce très cher Will.i.am dans le genre happy ending, dans un style peut-être un petit peu plus classique. Mais quand même tout à fait pour un film pour enfants. Tout à fait, exactement. C'est Home Alone. Maman, oh, j'ai raté l'avion avec cet acteur du nom de Culkin qui a aujourd'hui l'air d'être le pire des drogués. Eh bien, à l'époque, le film se terminait bien. Il n'était pas encore drogué. Ça finissait magnifiquement avec le sourire, avec quelque chose qui sent le Noël américain. Comme ça, là. C'est donc la fin de Home Alone par John Williams. Maman, j'ai raté l'avion. Home Alone sur donc cette bande originale signée John Williams. Là, tu te revois là avec tes cousins entre le plat et le dessert, alors que les parents sont toujours en train de parler sur la table des adultes. Ils sont déjà un peu bourrés. Et que toi, tu te retrouves dans le salon à regarder ça avec tes cousins, vu que c'est le film qu'on nous ressort bien tous les ans, bien sûr, à la période de Noël, bien évidemment. Happy endings, donc, et puis là. Quelque chose que John Williams va réussir à traiter de main de maître. De main de maître, de créer le... baguette magique de son chef d'orchestre. Eh bien, il crée le mystère, il crée quelque part la magie, l'intrigue, puisqu'il a, comme disait Nicolas, de sa baguette magique, créé une musique non moins magique, puisqu'il s'agit de la musique de Harry Potter et ce qui s'appelle le thème d'Edwige, sa chouette. Je ne sais pas pourquoi c'est le thème d'Edwige, mais... ça sonne vachement magique. La magie en quelques notes. Et oui, c'est la magie de John Williams. Autre chose magique, autre chose un peu fun, mais un peu plus guerrier, un peu plus aventurier, un peu plus Hans Zimmer, c'est Pirate. On entend les pirates là, on les entend tituber. Ouais. Et on sent le petit verre dans le nez aussi de Jack Sparrow. Ça sent le rhum, ça pique le nez. C'est Pirates des Caraïbes. Oui, Hans Zimmer a aussi fait Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, si notre John Williams a plein de musique que tout le monde peut chanter, Hans Zimmer en a beaucoup moins de par son style. Eh bien, par contre, celle-là, tout le monde sait la chanter. Exactement. Et ça marche magnifiquement bien. On peut dire qu'il a créé quelque chose, lui aussi, qui restait dans l'inconscient collectif. Parce qu'il a fait pas mal d'autres choses aussi, hein. On parle de Gladiator, Le Dernier Samouraï, etc., etc. Mais c'est vrai que ce petit thème, il est quand même assez sympa. Le problème, c'est que je suis à l'aveugle, je sais pas du tout quand il commence ce thème. Ah ben on va le laisser démarrer, on vous laisse monter avec cette musique. Monter en haut du mât. Des bateaux de pirates, bien sûr, oui, vous avez compris. Allez, c'est parti. On a commencé de manière épique, on termine de manière épique. Mon cher Arthur, on termine. On termine. Presque, on termine. Parce que dans un mois, on fera suite et fin de cette émission consacrée à ces deux compositeurs. Où on sera un peu plus critique, où on sera un peu plus avoir leurs influences, leur plagiat, leur façon d'utiliser leurs élèves stagiaires comme esclaves, ce genre de choses. Hein, et aussi leur influence sur la technologie, puisque ces gens ont eu une sacrée influence. En conclusion... John Williams, c'est le vieux de la vieille, compositeur de musique par excellence, classique, moins funky, assez, voilà, tronche de geek, hein, il est chauve avec une barbe de Robert Hue, comme ça c'est pas fou. Cliché. Cliché, cliché, et bien ça lui donne plein de références et une force symphonique assez forte. Créer des BO mythiques qui sont restés dans la tête des gens, ça c'est très très fort. À côté de ça, Zimmer, grand explorateur de la musique, grand expérimentateur, si on peut dire, grand scientifique, grand explorateur des possibilités, à la fois technologiques, à la fois du son des instruments, du fait de mettre 4000 personnes dans un studio et de taper très fort pour faire plein de bruit. C'est vraiment quelqu'un qui se renouvelle pas mal comparé à un John Williams qui se répète un petit peu plus. Voilà, quoi qu'il en soit, ce sont des gens qui ont compris que la musique n'est pas là pour juste accompagner l'histoire, mais aussi pour la raconter, lui donner une profondeur, un sens et une émotion. Si vous aimez tout ce qu'on vient de raconter, allez sur YouTube, il y a des milliards de docus sur Hans Zimmer et John Williams. Il est, je crois, tout à fait en courant de l'antenne. On vous remercie d'avoir écouté le Memento. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook où on vous annonce les prochains épisodes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ce qu'on fait. Et puis, on se revoit dans un mois pour parler de la suite. Merci, merci beaucoup. Merci Nicolas, c'était très chouette. Merci Arthur. Passez une excellente soirée sur Radio Panique. Au revoir.